Le subjonctif est un peu différent pour les verbes avoir, avere et être, essere. Ces deux-là n'en font qu'à leur tête, comme d'habitude. Au singulier, le subjonctif de avere est abbia, a de b i a, abbia, qui vient de la forme qui correspond à nous avons et qui est abbiamo. Abbiamo, oui, qui donne pour je abbia, abbia. Vous remarquerez que contrairement à abbiamo, où on insiste sur la terminaison, c'est sur le premier a qu'on insiste pour abbia. Et ce abbia, on le retrouve partout au singulier. Que j'ai, que io abbia, que tu es, que tu abbia, qu'il est, que lui abbia, qu'elle est, et que vous ayez, le vouvoiement, que lei abbia. Pour il ou elle au pluriel, par contre, ça change. Qu'est-ce que ça donne, à votre avis? Abbiano. Pas tout à fait. Abbiano. Abbiano, c'est ça. Abbiano. Donc, pour l'instant, nous avons abbia. Abbia. Abbia. Abbiano. Abbiano. Oui, mais pour nous, on a abbiamo. Abbiamo. Et pour vous, pour voi? Abbiate. Abbiate, oui. Voilà pour le subjonctif de avere. C'est le même principe pour essere, être. Comment dit-on nous sommes? Siamo. Siamo. À partir duquel vous allez obtenir sia pour le singulier. Que je sois, che io sia. Mais aussi que tu sois, che tu sia. Qu'il soit, che lui sia. Qu'elle soit ou que vous soyez, le vouvoiement, che lei sia. Pour ce qui est de il ou elle au pluriel, qu'est-ce qu'on va dire à votre avis? Siano. Attention, l'accentuation ne change pas. On insiste au même endroit que pour sia. Siano. Voilà, c'est ça, siano. Donc on a sia, sia, sia, siano. Et puis, que nous soyons et que vous soyez, qui se disent? Che siamo. Et? Che siate. Très bien. Siamo et siate. Oui. Supposons maintenant que vous vouliez dire « Il est important que tu sois ici ». Que direz-vous? È importante que tu sois ici. Che tu sia qui. Oui, bien. Même chose avec le vouvoiement. È importante che lei... Che lei sia qui. Bien. Ou encore, que je sois ici. Che io sia qui. Oui, che io sia qui. Et il est important qu'il soit ici, il au pluriel. Comment diriez-vous ça? È importante che siano qui. Non. Siano. Siano. Siano, oui. È importante che siano qui. Voilà, c'est ça. È importante che siano qui. Et maintenant, si vous parlez à voi, c'est-à-dire à plusieurs personnes, vous direz « Il est important que vous soyez ici », c'est-à-dire « È importante che siate qui ». C'est ça. È importante che siate qui. Au lieu de il est important, vous pouvez dire aussi il faut en italien bisogna. À ne pas confondre avec il bisogno, qui est un nom, le besoin. Ho bisogno, je vous le rappelle, c'est j'ai besoin. Tiens, dites-moi, j'en ai besoin. Ho bisogno. Ne ho bisogno. Bien, oui. Ne ho bisogno. Et le contraire, je n'en ai pas besoin. Comment direz-vous ça? Non ne ho bisogno. C'est ça. Non ne ho bisogno. Je n'en ai pas besoin. Si par contre vous utilisez bisogna tout seul, c'est un verbe. Ça veut dire il faut. Donc si on veut dire il faut qu'il soit ici, on dit bisogna che lui sia. Ici. Qui. Absolument. Bisogna che lui sia qui. Nous venons donc de voir le subjonctif du verbe avoir, avere, qui est abbia, abbia, abbia, abbiano, abbiamo et abbiate. Pour le verbe être, essere, on part de siamo, nous sommes, pour arriver à sia, sia, sia, siano, siamo et siate.